Pour la dernière journée, avant de se séparer. En vietnamien, on dit chia tay. Hẹn gặp lại. Au revoir et à bientôt. Et pour les questions, est-ce qu'on fait comme l'an dernier? On note les questions d'abord. Et on essaye de ne pas répondre après. Ce sera plus facile. Et alors peut-être on fait circuler le micro. Il y en a deux. Ah, okay. Il n'y en a pas, super. Super. Cher Thaï, cher Sangha, j'aime pas du tout parler dans un micro. Bon. Est-ce que c'est nécessaire? J'avais pas envie d'ouvrir les questions-réponses avec cette question, mais le micro est venu à moi. Donc je vais commencer. Il y a une question que je me posais par rapport au cinquième entraînement, par rapport à la consommation. C'est que dans mon entourage, j'ai pas mal de personnes qui ont commencé à prendre une toxine, ce que certains peuvent appeler une drogue, et il s'agit de l'ayahuasca. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de l'ayahuasca. J'en prends pas régulièrement. Voilà. Moi non plus. Mais je connais. Voilà. Certains connaissent peut-être. Et apparemment, c'est une tradition qui se pratique en Amérique latine, dans certains pays, et qui, dans un rituel chamanique, si on prend cette substance, permet de se connecter avec Mother Earth, la Terre-Mère, et apparemment de permettre de faire un voyage initiatique, un voyage spirituel. Et quand c'est fait dans un cadre apparemment respectueux et ancré, ça peut ouvrir des portes. Voilà. Donc j'ai entendu plusieurs personnes dans mon entourage qui ont essayé et qui sont revenues vraiment avec une belle expérience. C'est des personnes que je connais qui sont proches de moi. Et je pense que si je n'avais pas pris les 100 entraînements, je ne me serais pas vraiment posé la question si jamais j'essayerais l'ayahuasca ou pas. Je me serais dit, oh tiens, j'ai des amis qui l'ont essayé, s'ils me le conseillent, je vais essayer. Mais on m'a invité à relire les 5 entraînements quand je me suis posé la question, est-ce que je devrais essayer de l'ayahuasca ou pas. Et en lisant ces 5 entraînements, je me suis rendu compte que j'en ai pas réellement besoin, en fait. J'ai pas un besoin de prendre de l'ayahuasca. Si jamais je n'en prenais pas, ce serait pas du tout un problème. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que le fait de choisir de ne pas le faire, est-ce que ce serait pas me priver de quelque chose? Voilà. Et donc je me demandais ce qui était juste. Ce qui est juste, c'est de faire le choix conscient d'essayer, hein. Ou bien est-ce que c'était juste de faire le choix conscient de choisir de ne pas m'intoxiquer et de ne pas le faire. Cher Thaï, cher Sangha, c'est une question que je me pose après ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'est passé à Bruxelles, et plus spécifiquement à Bruxelles, où ma fille vit et est entourée de confrères et consœurs, entre guillemets, étudiants, et en même temps aussi des jeunes qui y vivent. Ma fille a 25 ans et elle habite près de Molenbeek et vivait très bien dans son quartier. Il vit encore très bien, c'est vraiment tout proche, genre 500 mètres. Mais tous ses amis habitent aussi ce quartier, qui est un quartier un peu studentin, et aussi il y a deux frontières un peu, où il y a Molenbeek avec beaucoup de Nord-Africains, et puis de l'autre côté, le côté néerlandophone de la ville. Mais je sens au sein de, et en même temps ma fille, mais aussi tous les jeunes qui l'entourent, se poser des questions par rapport à cette cohabitation qui était au départ tout à fait... ils avaient choisi le quartier parce qu'il y avait justement cette belle complicité, ce partage. Son voisin, ce monsieur qui vend il est pakistanais musulman, et c'est monsieur Ibrahim. Mais maintenant, elle et eux se sentent blessés et en même temps aussi... de ce qui avait comme un acquis de dire, nous ne nous sommes jamais posé de questions d'intolérance par rapport à s'est passé. Et maintenant, nous avons un regard et des pensées qui ne nous sont pas, sont pas de nous, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas comment me comporter ou essayer de pouvoir peut-être voilà, soutenir ou voilà. Merci. Lorsque je me suis engagé dans les 5 entraînements, il y en a un qui me posait problème et qui me pose toujours problème, c'est celui du réchauffement climatique et de la préservation de la Terre, dans la mesure où je sais que mon empreinte, je sais que mon mode de vie est probablement près de 20 fois trop élevé pour permettre aux générations toutes proches de subsister, et je ne parviens pas à passer au-delà de cette incohérence de me sentir comme le pilote d'un avion qui va s'écraser et qui sait en toute conscience et cherche la sérénité en sachant qu'il est en train de cracher l'avion. Peut-être le protocole, puisqu'effectivement je suis du côté des membres de l'inter-être. J'avais une question qui me trottait depuis quelque temps. Justement, j'ai la chance d'avoir été ordonné il y a quelque temps et d'avoir la grande chance d'étudier les 14 entraînements au sein d'un groupe de l'inter-être à Liège, et je ressens un grand désir au sein de la Sangha, par plusieurs témoignages, de plusieurs personnes qui m'ont fait ce partage, d'étudier les 14 entraînements. Je voulais savoir dans quelle mesure, quelles sont les bonnes conditions pour débuter un groupe des 14 entraînements. Est-ce que c'est un comme le groupe auquel j'ai rejoint il y a à peu près un an et demi, deux ans, c'est un groupe qui doit rester fixe. Est-ce que c'est quelle est la proportion de membres de l'inter-être qui est nécessaire d'accompagner ce groupe des 14 entraînements pour avoir un soutien suffisamment éclairant. Nous sommes donc à deux à Bruxelles, Pépino et moi, et j'ai encore la teinture fraîche sur les épaules, donc je n'ai pas vraiment la je me sens je peux faire part de mon expérience, mais d'accompagner et de guider un groupe de 14 entraînements, c'est quelque chose que j'estime qui c'est encore bien trop tôt. Mais en tout cas, ce que je voudrais, c'est surtout ne pas laisser retomber un désir et un mouvement de plusieurs membres de notre sangha qui ont un intérêt à faire les 14 entraînements. On récite déjà les 5 entraînements une fois par mois au sein de notre sangha, dans le cadre de réunions de pratique. Est-ce que pour les 14 entraînements, on créerait un nouveau jour ou un moment de partage. Voilà, c'est une question que je me pose et en tant que membre d'ATH, je suis bien incapable de répondre. J'ai quelques idées, mais en tout cas, j'attends vos éclaircissements. Merci. Nous, on attend tes idées. Pépine. Cher Tanga, cher Taïwan, voilà, j'aurais une question et une sous-question à poser. La première question, c'est que je ressens au fil des années que dans notre pratique au village, on parle de moins en moins, en tout cas dans les familles, du renouveau. Alors, je voudrais voir si c'est volontairement ou si c'est du renouveau. Et la sous-question, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour notre Sangha de Liège. J'y suis très heureux. Mais j'y ai vécu plusieurs turbulences. Et j'aurais souhaité que la dernière que nous vivons, j'en souffre pas mal, et je crois que beaucoup d'autres personnes aussi. Et je me demande si on ne pourrait pas être aidé par des membres de l'intérêt à ce sujet-là. Parce que c'est comme une infection, si on ne la soigne pas, elle persiste. Merci d'avance. Bonjour. Le pardon à soi-même, à l'autre. Ça se fait comment? Ensemble? Séparément? J'aimerais, si c'est possible, que vous parliez un peu des étapes de ça. Et aussi de ce qu'on fait avec la souffrance. On en a déjà beaucoup parlé, hein. On a beaucoup reçu de ça. Mais peut-être que c'est bien de réentendre certaines choses. Merci. Je me demandais, cher Sangha, cher Thaï, quelle est la place que l'enseignement donnait et laissait à l'expression de l'émotion, notamment la libération émotionnelle. Dans un cadre où on nous demande le silence, la concentration. Quelle place laisser? Merci. Cher Thaïs, cher Sangha, on parle souvent dans cette communauté de se rapprocher de sa vraie nature. Et moi, des fois, je me pose la question, si c'est notre vraie nature, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de s'y rapprocher ? Je ne sais pas si ça fait du sens. J'aime beaucoup dans cette communauté la simplicité de la pratique. Mais en même temps, ça semble très compliqué. Des fois, on en a parlé, hein, affronter ses peurs, ses colères, toutes ces émotions difficiles. Et je vois aussi, quand je vais au village et j'entends des moines, des moniales parler de leur expérience, que c'est du croc. Et oui, je me pose cette question. Si c'est notre vraie nature, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de s'y rapprocher? Merci. C'est mon côté souffrant qui parle. J'ai l'impression de tourner autour de mon nombril. Je me pose des questions sur mon ego. Mais en fait, j'ai parlé dans ma famille d'une colère pour le moment déclenchée par rapport à ma meilleure amie depuis 25 ans. Je me sens lâchée. Alors je sens que, bien sûr, ça touche des choses beaucoup plus de mon histoire, de ma jeunesse et de mes blessures importantes de la vie. Mais moi, je n'arrive pas à lâcher mon os, parce que les personnes qui ont manqué de justesse, jamais c'est elles qui ont reconnu leur manque, leur erreur. Alors je reconnais que j'ai reçu dans des milieux psycho-machins ou groupes ouverts de l'empathie, de la compréhension, mais jamais des personnes qui ont été blessantes et tout ça. Alors, est-ce que il y a que... Alors, on me dit, mais il n'y a que toi qui peux te reconnaître, il n'y a que toi qui peux t'aimer, il n'y a que toi qui peux comprendre tout ça. Mais pourquoi est-ce que les personnes qui j'ai donné le plus de confiance, j'ai l'impression chaque fois qu'ils n'ont rien compris? Hein, donc, que j'ai pas été comprise, c'est un karma chez moi, pas être entendue, pas être compris. Et donc, finalement, si je ne lâche jamais, je serai toujours mal. Et donc, il faut lâcher. J'ai un problème par rapport au perfectionnisme, quoi. Qu'on a toujours à faire à des choses qui sont pas justes, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est très basique, hein. Voilà, moi, j'arrive pas à me donner tout ce qui n'a pas été juste, et alors que précisément, je l'ai pas appris quelque part. Et donc, je sais pas, quand il y a quelque chose qui est pas juste et que l'autre ne sait même pas le reconnaître, le voir et tout. Enfin voilà, je suis avec cette difficulté de petit égo ou je sais pas quoi, j'ai besoin qu'on le redise. Merci. Le carnet, il est plein. C'est une question très basique. Je crois qu'il sera très facile il sera très facile d'y répondre. Et j'oublie toujours de la poser au bon moment. Ce merveilleux chant qu'on chante tous les matins, il se termine par une phrase en vietnamien, dont je comprends un mot ou deux mots, mais pas l'ensemble. J'aimerais bien connaître la traduction. Merci. C'est quel... Le chant qu'on chante le matin. Ah. Le chant, oui, c'est pas en vietnamien. Ça se termine par. Pardon. C'est du sanskrit. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Hommage, hommage au Bouddha Shakyamuni. Celle-là, elle est facile. Une autre facile. qui veut commencer? Personne? Parfait. Chers Thaï, chers amis. Ah oui. Je suis comme Laurent, c'est pas beau mon truc. La drogue est une nourriture. Mais il faut savoir, est-ce que c'est une bonne nourriture ou une mauvaise nourriture? Dans les quatre sortes d'aliments, il y a l'histoire de l'enfant que les parents ont tué pour pouvoir traverser, survivre dans la traversée du désert. Ils ont tué leur propre enfant pour pouvoir traverser le désert. Sinon, ils seraient morts de faim et de soif. Si on suit des consommations dont on pense qu'elles vont nous emmener quelque part, au paradis, dans un état agréable, ou ceci ou cela, on est un peu comme ses parents qui veulent traverser le désert mais qui n'ont pas prévu assez pour survivre. Et au milieu du désert, ils ont décidé de tuer leur enfant pour manger sa chair. Un petit peu tous les jours jusqu'à arriver de l'autre côté du désert. Quand on prend des nourritures qui vont nous emmener, soi-disant, dans un état meilleur, dans un monde meilleur, que se passe-t-il quand l'effet de la nourriture cesse? C'est ça. Donc, faut faire très attention à la consommation. Donc ça, c'est... Mais les drogues, c'est une consommation sensorielle, principalement. Et dans notre pratique, tout ce qui est sensoriel, on ne fait que l'observer, le reconnaître et le laisser partir. On ne cultive pas les sensations. On ne cultive pas les émotions. On les a, tout le monde les a. On les a. Ça vient tout le temps. Et la pratique de la méditation, c'est observer, reconnaître, laisser partir. C'est pas suivre, c'est pas cultiver. Ce que l'on cultive, c'est le lâcher-prise, c'est l'observation, la reconnaissance, et on le laisse partir. Thaï a écrit dans un livre cette image, dans un livre très ancien, qui a été traduit, et il a donné l'image du garde à l'entrée de la... à l'entrée du château ou de la ville fortifiée, autrefois, au Moyen-Âge. Au poste de garde, il y a les gardes et les villageois qui rentrent et qui sortent. Et le garde, il ne fait rien d'autre que observer. Mais il ne suit pas chaque personne. Sinon, il n'aurait pas fini. Il serait un peu fatigué à la fin de la journée. Simplement observer, c'est tout. Mais quand la personne est passée, il ne la suit pas. Il y en a une autre pour prendre la place. Et dans notre esprit, le fonctionnement des pensées, c'est identique. Les pensées se succèdent à un rythme effréné. Et on n'a rien d'autre à faire que les observer et les laisser partir. on n'a pas besoin de vraiment de consommer quelque chose pour arriver vers une sorte de paradis ou dans un état où on va se sentir mieux. Parce que j'imagine, personnellement, j'ai jamais essayé, mais j'imagine que le retour doit être difficile dans ce cas. Et plus on en ajoute, plus c'est difficile, et donc plus on consomme. Et on est perdu. On est vraiment perdu, c'est sûr. Donc on se dirige tout droit vers l'addiction. L'addiction, c'est tout le contraire de la liberté. C'est une prison très solide. Donc dans ce cas-là, si on a envie de faire ça, il faut peut-être se poser la question de savoir d'où vient cette envie. Pourquoi on veut faire ça? Pour cacher quoi? Pour fuir quoi? Bien souvent, derrière, il y a une souffrance. Et derrière un désir comme ça, il y a aussi une peur qui est cachée. Donc ça, il faut faire très attention. Dans la méditation, à propos des émotions aussi. Nous avons des émotions, bien sûr. Et parfois, quand c'est trop fort, entre nous, on va partager ces émotions. Parce que l'émotion, on ne la cultive pas non plus. Parce que c'est quelque chose qui peut vous emmener et vous complètement vous distraire. Et c'est loin d'être un état de liberté aussi. La liberté, c'est un grand mot, hein, mais peut-être qu'il faut expliquer un peu. Et la liberté, je le répète, c'est le jour où on peut s'asseoir, juste pour s'asseoir, tranquillement, pour regarder quelque chose, contempler quelque chose, ou simplement pour être là avec soi-même et respirer tranquillement. Ça, c'est la liberté, ne serait-ce que quelques secondes. C'est-à-dire lâcher prise avec toutes nos préoccupations. Quelques secondes suffisent. C'est un entraînement. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire ça, de se forcer à faire ça. Et d'essayer pendant un temps très long. C'est un entraînement que l'on peut faire tous les jours, à la maison, au travail. Et bien sûr, si on peut sortir dans un parc, à la campagne, ou même n'importe où en fait. Dans mon travail, j'ai marché en pleine conscience, librement, jusqu'aux toilettes. Et je reste un certain temps aux toilettes. Parce que je m'y sens bien. Et quand j'ai vu qu'après, en Belgique, ça doit être pareil, les fumeurs, il faut sortir, c'est ça, hein? Alors quand j'ai vu qu'après ils ont dit « Bon, les fumeurs, vous devez tous sortir pour fumer. » Et au début, je me suis retrouvé tout seul au boulot. J'ai dit « Ça va pas du tout. » Donc je vais être fumeur aussi, mais sans fumer. Et je vais sortir avec eux. Sauf qu'eux, ils discutent, et puis moi, je marche en pleine conscience, je respire. Et une fois, je suis allé avec eux et j'ai respiré toute leur fumée. Alors j'ai dit, ça va pas du tout non plus. Ou aller boire le café. Alors, pendant qu'ils discutent de football, moi, je bois un café. Et dans le café, je bois le nuage, même si le café sort de la machine. Voilà, c'est la pratique, un petit peu comme ça, au travail. Et je vais donner peut-être encore, je ne réponds pas tout, Et puis même, ça fait rien. Après, ça va être complété. Dans la vie, parfois, on se sent victime. On a l'impression qu'on est toujours une victime par rapport aux autres et qu'on n'est pas entendu. Alors peut-être, c'est des choses que j'ai faites moi-même. Je n'ai pas continué à essayer d'être entendu. Voilà, tout simplement. Et je me suis posé. Et simplement, je suis revenu à mon corps, à ma respiration. Et j'ai essayé de lâcher prise avec ce sentiment de colère et d'injustice et plein de choses comme ça qui viennent, qui nous rendent très malheureux. Parce que on veut dire quelque chose et on n'est pas écouté. Les autres s'en fichent complètement. En fait, ils parlent plus fort que vous et puis voilà. C'est ça, c'est pas bien grave. Il faut. Le plus important, c'est d'être avec soi-même. Parce que bien souvent, quand on parle comme ça, beaucoup, on n'est pas vraiment là. Il faut juste être présent pour soi. Ça, c'est plus important. Et peut-être que ces gens-là qui ne vous entendent pas, alors, lorsque vous vous asseyez, vous revenez à votre respiration, vous essayez de lâcher prise avec tout ce sentiment d'injustice et de colère. Et quand vous avez lâché la prise avec ça, peut-être vous verrez ces gens-là d'un autre regard, en essayant de les comprendre. De voir qu'en eux, il y a aussi beaucoup de souffrance. C'est pourquoi on parle beaucoup, d'ailleurs, souvent. Essayez de comprendre. La compréhension ouvre toujours quelque chose. Quand on y arrive. Il faut juste un peu de patience. Et de pratique. Simplement observer et lâcher prise. Il est décidé que c'est bon. Il est lancé. Bonjour. J'aime bien compléter la réponse de Jean-Pierre. Parce que j'aime bien vous dire, vous avouer, que maintenant je porte le costume brun, mon maître d'être. Je suis enseignant de dharma de l'école de Thaï. Mais de ma jeunesse, insouciant et inconscient, j'ai fait tellement de choses que maintenant je ne suis pas très fier. Dont le chamanisme, le voyage astral, plein de choses. Donc, je crois que j'ai assez d'informations pour te répondre. La première chose, c'est que je rappelle un professeur de pharmacologie à la fin de sa vie. Il dit que s'il a pouvoir, il va rejeter tous les médicaments dans l'océan. Parce que le produit qu'on prend dans le corps, c'est vraiment un mal nécessaire. Parce qu'on ne sait même pas quels sont les effets secondaires qu'ils puissent avoir sur notre corps. Moi, j'aime bien ajouter, non seulement quels sont les effets secondaires qu'on peut avoir sur le corps physique, mais aussi sur les autres corps également. Voilà la première chose. La deuxième chose que j'aime bien parler, c'est qu'il faut distinguer entre d'une voie spirituelle, traditionnelle, et une technique. Une voie spirituelle, traditionnelle, complète, va nous offrir un chemin, un parcours, une évolution progressive pour arriver soit à l'éveil parfait, soit à l'union avec la nature christique, etc., etc. Mais là, c'est une évolution progressive. Quand tu es prêt, tu peux, c'est une fenêtre ouverte pour toi. Avec les garanties de la tradition, avec les garanties des maîtres. Par contre, une technique, que ce soit une ou l'autre, c'est une sorte de forcer le destin par des exercices physiques ou par des produits chimiques ou par une initiation, par la force du maître qui peut forcer les choses pour que tu puisses ouvrir une vision, une expérience. Mais le problème, c'est que est-ce que la personne est prête à le vivre? Il faut savoir que le monde qu'on est ici, mais à côté, il y a des mondes qui est peuplé aussi des gentils, des méchants, et il faut être prêt pour ne pas effrayer, pour ne pas se perdre. Parce que c'est comme tu voyages dans un pays étranger, sans boussole. Maintenant, je revenais à la voie spirituelle, à notre école bouddhiste. Ça offre aussi une possibilité d'ouverture. Dans les techniques de Vipassana, des traditions Vipassana, on a clairement classifier les plusieurs degrés, les quatre degrés de dhyana, tous les degrés qu'un méditant puisse progresser. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de pratique pour arriver. Et mais là, on a le garantie de que ne pas tomber dans les dangers, parce que le temps de pratiquer, tu as une transformation en toi-même pour faire face des dangers ou des choses que tu vas rencontrer sur ton chemin. Merci. Répondre à ta question. Chers Thaï, chers amis, pardon, plus le micro. Il y a deux de vos questions qui font écho à des expériences que j'ai vécues, donc j'avais juste envie de partager un peu mon expérience. La première, ça concerne l'ayahuasca. J'ai moi-même pris de l'ayahuasca. Il y a 7 ans à peu près, 6-7 ans, pendant une petite période. Une période où j'expérimentais pas mal de choses pour libérer des grosses souffrances familiales. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été dans un bon encadrement. Voilà. Alors l'ayahuasca, ce n'est pas avec ça vraiment qu'on devient dépendant. tout cas pas quand c'est fait de façon correcte. Moi, ça m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas autrement, que je ne voulais peut-être pas voir ou autre. Et en même temps, je partageais tout à l'heure que j'en prendrai plus jamais. Parce que je pense que ça m'a fait faire le chemin peut-être dont j'avais besoin à ce moment-là. Mais pour l'instant, enfin depuis lors, je sens que c'est plus vers là que je veux aller. Parce que ce qu'a dit Unc m'a bien parlé aussi dans le sens peut-être que parfois ça va plus vite ou plus loin que ce qu'on est prêt à intégrer. Et je crois que dans mon cas c'était un peu ça. Donc encore une fois je répète, j'étais bien encadrée, donc voilà, chaque personne est libre de faire l'expérience qu'elle souhaite en conscience, mais c'est important je pense de le faire dans un cadre vraiment sûr. Il y a beaucoup de chamanisme qui s'improvise un peu partout, et là je pense que c'est pas une voie à suivre. Et effectivement la question à se poser c'est savoir pourquoi on veut faire ça. Si c'est une fuite, ben, je pense que vous connaissez la réponse. Si c'est vraiment pour travailler quelque chose de très très très précis, qu'il n'y a pas moyen autrement, ça peut être une thérapie comme une autre, et c'est pratiqué notamment par des médecins pour aider des anciens toxicos à se libérer de leur toxicomanie. Donc là, c'est dans un cadre scientifique, suivi, médical, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement autant de réponses que de réalité. Donc c'est toujours revenir à soi-même et à se poser la question pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte, et est-ce que je suis conscient ou est-ce que je perds un moment la conscience? Parce que ça, à ce moment-là, il y a aussi un souci. Voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de répondre. En me retournant, je ne pense pas que c'était, pour moi, dans mon expérience, c'était pas une toxine, c'était pas une fuite. Au contraire, ça m'a mise vraiment plus devant ma réalité. Et ce que j'avais à travailler, que j'ai continué à travailler après, autrement, par des thérapies, et puis maintenant par la pratique, qui même si la pratique n'est pas une thérapie, c'est thérapeutique, en douceur, et c'est ça la magie de la pratique. Et l'autre chose que je voulais partager, c'est par rapport aux émotions. Est-ce qu'il y a de la place pour l'expression émotionnelle alors qu'on est dans une pratique qui ramène à la concentration et à beaucoup de moments de silence? Il y a 5 ans, j'ai vécu quelques mois au village et j'étais en souffrance. Et ce n'est qu'en étant sur place que je me suis rendu compte de ma grande souffrance, de ma fragilité énorme. Et j'ai déversé des larmes tout le temps dans toutes les salles de méditation, dans tous les lieux possibles. Et j'ai très vite compris, et on me l'a très vite dit, que ça ne se faisait pas. Et il y a quelques sœurs qui ont été très, très, très dures, voilà, très dures avec moi. Et sur le moment, je l'ai très mal vécu, parce que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être accueillie. Je vivais 2 deuils là, sur place, et c'était pas facile, 2 choses qui se réveillaient en parallèle. Et donc je comprenais pas, je me disais on est dans une pratique de compassion, puis on m'envoie un truc comme ça, puis quand je suis partie, après 4 mois que j'avais vécu là, on m'a dit tu reviens plus. Bon, je me dis oh, mais qu'est-ce qui se passe là, c'est... Et en fait, rétrospectivement, je suis dans une grande gratitude de ce qui s'est passé. Parce que le fait qu'on m'ait renvoyé un cadre, qu'on m'ait ramené à moi-même, qu'on m'ait ramené à ma respiration, à mes pas, parce que voilà, régulièrement on me disait va marcher, respire, va marcher. Ben, le fait qu'on m'ait ramené à la pratique basique, mais aussi très profonde, ça m'a permis d'observer ce qui se passait en moi, de comprendre qu'en fait c'était la petite fille qui avait besoin d'être prise par la main, d'être rassurée, qui s'exprimait de façon sur tous les plans, et que je tombais un peu dans une forme de victimisation comme ça. Et j'ai eu la chance d'être de pouvoir beaucoup, beaucoup pratiquer. Après, donc j'allais à Liège 3 fois par semaine, j'ai fait plein de retraites partout. Et j'ai pu échanger ce que j'avais vécu, notamment avec un moine qui a maintenant quitté la communauté, mais qui continue une pratique spirituelle, qui m'a beaucoup aidée à me poser les bonnes questions et à justement voir la souffrance qu'il y avait aussi dans les quelques heures qui m'avaient renvoyé ces messages que j'avais vécu comme violents. Et ça m'a permis vraiment d'aller voir profondément sur le fait que ma propre souffrance avait réveillé des souffrances peut-être encore plus fortes chez ces personnes qui avaient connu la guerre au Vietnam, qui étaient, voilà, tout ce dont je n'étais pas consciente à ce moment-là. Et donc finalement, j'ai vraiment appris ce qu'était la pratique grâce à ça. Et en tout cas, ce que c'était que pratiquer avec les émotions et ne pas tomber dedans. Parce que je crois que là-bas, si on ne m'avait pas mis ce cadre-là, j'aurais continué encore longtemps à me noyer dans mes angoisses, dans ma souffrance, dans ma dépression. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de regarder clairement et de prendre ma responsabilité, d'avancer, de demander de l'aide au bon moment, mais de façon cadrée, de l'aide, de l'éclairage, on va dire, du soutien, mais pas prendre en charge. Voilà. C'est un petit peu ça que j'avais envie de partager. Il y a beaucoup de questions. Donc, je vais juste parler comme ça de ce qui fait écho chez moi quand j'entends vos questions. Et par rapport à mon vécu, quoi, depuis le début de la retraite. Donc, je partageais hier avec la famille que. Avant de me réunir en famille et de partager le dharma, je me sentais pas très bien, j'avais froid, j'étais préoccupée, enfin j'étais pas bien, et puis j'étais fatiguée. Et puis dès que je me suis assise avec la famille et qu'on a commencé à partager la cloche, le silence, et puis que j'ai écouté le partage des uns et des autres. Alors, je me suis sentie vraiment super bien d'un coup, complètement reliée à. J'avais oublié que j'avais froid, j'avais oublié mes préoccupations, j'avais tout oublié. J'étais vraiment là et je me sentais vraiment en harmonie avec la famille. Et puis ce matin, la même chose. Donc après le petit déjeuner, je suis rentrée dans ma chambre. Puis je me dis, oh, je me sentais pas très bien, de nouveau. Je repense à des choses, puis l'organisation, et puis ceci, et puis ah oui, il faut penser à ça pour après, et puis ceci, puis cela. J'arrive ici, je m'installe, vous vous installez, on chante, paf, c'est un peu magique, quoi. On chante ensemble, et oups, il y a tout qui est parti, et je suis vraiment. Dans un espace tranquille, paisible, avec vous, quoi. Et je me sens bien, quoi, vraiment bien. Et justement, et alors je me dis, mais j'essaye de comprendre ce qui se passe, et puis il y a des questions qui surgissent. Et donc, moi, ce que j'ai envie de partager, ce qui fait écho chez moi, c'est notre vraie nature, ma vraie nature. Ma vraie nature, c'est celle de l'océan. Ma vraie nature, c'est celle qui nous constitue tous. On est tous faits de la même nature, effectivement. On fait tous partie de l'océan. Et dans l'océan, quand les vagues vont et viennent, elles ne se posent pas la question. Je suis une vague qui doit faire ceci, cela, qui a tel passé, qui a tel futur, qui et ceci et cela, et j'ai froid et j'ai chaud et j'ai voilà, hein. Et c'est pas juste et c'est juste et ceci et cela, et on pense et on pense. Et par contre, quand on plonge dans l'eau, ben voilà, il y a plus de séparation. On est tous la goutte argent à la rivière, et il y a autre chose qui se passe, quoi. Et là, ce week-end, je le vis vraiment très fort, ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, pas vrai. Oui. Donc, notre vraie nature, c'est l'eau, et je me rends compte que la pratique, en fait, de toutes ces pratiques et ces moments de rituel où on fait tous la même chose, on est tous dans le même espace à faire à être ensemble, ben finalement c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, qui m'aide justement à lâcher tout le reste, quoi, parce qu'on est ensemble et qu'on est là tous ensemble. Et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment une révélation. Et donc, quand je dis on est tous faits de la même nature, ça veut dire qu'on soit humain, qu'on soit non humain, qu'on soit les arbres, qu'on soit les animaux, qu'on soit peu importe tout ce qui vit, finalement, ben, on est tous de l'eau, en fait. On fait tous partie du même. Si on veut, on fait partie du même bateau, on fait partie de l'océan. Ben bon. Et donc, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit anglo-autre, enfin, qu'on prenne de la drogue ou pas, je veux dire, finalement, il y a quelque chose derrière tout ça qui est la même chose. Alors, on peut se poser la question, ben, comment ça se fait qu'on est tous. Qui a ces guerres, qui a le réchauffement climatique, hein, parce qu'on est à la fois celui qui provoque le réchauffement climatique et celui qui se bat contre le réchauffement climatique, et finalement celui qui participe au réchauffement climatique, ben c'est moi aussi, il y a pas de séparation, donc. Et à Bruxelles, avec les effets, ben, peut-être que ça me fait penser à la conscience collective, c'est-à-dire, moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que Thaï enseigne, c'est rien ne survit sans nourriture. Et donc, qu'est-ce qui a été nourri pendant longtemps pour arriver à des situations comme celles qui se sont passées, notamment à Bruxelles? C'est pas des gens qui sont fondamentalement différents de nous, finalement, hein, puisque c'est aussi l'océan, il fait partie du même. Et donc, qu'est-ce qui a été nourri en termes de collectif, quoi, en termes de conscience collective, de séparation, de discrimination entre les personnes, pour arriver à un moment donné à ne plus considérer l'autre comme un être humain, ou même à ne plus se considérer soi-même comme un être humain faisant partie du tout, d'être à ce point complètement isolé pour se faire sauter et pour faire sauter les autres avec, quoi. Et donc, d'où le tragique après, hein, les conséquences que ça a et que ça va continuer à avoir. Alors, qui a raison, qui a tort, je veux dire, si on continue à tourner autour de ça, ben, il y a toujours des arguments pour, des arguments contre. Et finalement, moi, je me dis, ben, c'est ce que notre grand frère disait tantôt, c'est finalement, la voix, est-ce que ce n'est pas d'essayer vraiment de lâcher prise avec nos concepts, avec nos pensées, avec notre petit moi séparé de tout le monde, et de se dire qu'on fait partie, vraiment, de prendre cette option, on fait partie d'un tout, et d'essayer de construire ensemble quelque chose qui, voilà, en sachant que l'autre, même si je ne comprends pas l'autre, même si je ne vois pas pourquoi il agit ainsi, ben j'essaye de ne pas être dans le jugement et d'essayer plutôt de comprendre ce qui a nourri quelque chose chez l'autre pour qu'il l'amène à faire telle ou telle chose, quoi. Et je me suis aussi rendu compte par expérience que comprendre, c'est effectivement, c'est la voie de l'ouverture, la voie de la compréhension, c'est la voie de l'amour. Mais encore une fois, comme tu as dit, ce n'est pas une déclaration, il faut l'expérimenter, quoi. C'est une pratique, c'est une pratique. Quoi. C'est une pratique. Donc, surtout, ne croyez rien. Ce qui est important, c'est de le vivre dans cette tribu. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous partager. Regardez le micro. C'était un... Il y a une question qui m'a... qui m'interpelle, c'est celle de la de notre vraie nature. Effectivement, notre vraie nature est à cultiver. Elle a tout le temps, elle est en nous. Elle est normalement directement accessible. Et c'est apparemment si difficile. Ça pose question sur quelles sont les barrières. Et on pense directement à toute notre éducation, les conditionnements de notre société, et on se sent directement aussi interpellé en tant que parent, enfin ce qui me concerne, qu'est-ce que je constate les obstacles qui sont créés par rapport à cette vraie nature, et ça a l'air si simple et on en a la perception. J'ai l'impression que on est obnubilé par cette vraie nature comme un objectif. Je crois qu'on est dans une crispation et qu'il est de l'ordre du lâcher-prise d'accepter d'être ami avec soi-même, en amitié avec soi-même, pour dire, ben voilà, je contiens la nature du Bouddha, je ne suis pas parfait. Et il n'y a pas d'objectif à atteindre, il y a plus une acceptation. C'est plus l'idée de se dire que le chemin n'est pas fini, mais qu'on on s'accompagne. Et c'est en étudiant en rencontrant des problèmes, notamment avec la Sangha, je me suis rendu compte que le Bouddha avait rencontré des tas de problèmes, même après son illumination, notamment avec la Sangha, avec tout au long de son enseignement, ça n'a pas été si facile. Et je pense que en ayant cette petite flamme, on est à Pentecôte, qui en soi. On peut cheminer et on peut rencontrer cette nature de Bouddha. Pour moi, le grand défi, c'est d'avoir confiance, de se donner la chance d'y accéder, c'est d'avoir cette confiance-là. Voilà. C'est un pépino. Avec tous les bodhisattvas qui sont là, ils ont mis la barre très haute. Hein, donc, en devenir. En devenir. Bah oui, les grands enseignements, etc. Moi, je ne suis pas trop dans ces enseignements, quoique c'est vous, en entendant. Ce sont les personnes qui ont leurs impressions, parce qu'on n'a jamais les mêmes impressions de ce que moi je pense, de ce que l'autre pense. Et souvent, il y a des quiproquos comme ça. Et c'est peut-être cela aussi notre... Ce qui nous sépare, nos peurs, parce qu'on ne comprend pas bien l'autre. Voilà. Moi, je pense que j'ai dit quelque chose. Mon intention était bonne, mais est-ce que lui qui va le recevoir, est-ce que ça va être bon? J'ai peut-être dit des conneries, j'ai peut-être dit des... ou des choses peut-être intelligentes, ou des choses... qui n'avaient pas cette intention-là, et des fois ça peut être même dans le positif, quelque chose qui est dans le positif. Il y a eu ça il n'y a pas très longtemps, mais je ne vais pas te raconter. Voilà. Sinon, j'ai pas bu encore le thé. Voilà. Ce qui me touche très fort et qui remonte, pas souvent parce que je n'en parle pas énormément, je ne peux parler à quelques-uns de temps en temps, mais parce que c'est difficile d'en parler véritablement, et aujourd'hui, bon, devant tout le monde, l'attentat qu'il y a eu en Belgique, il n'y a pas très longtemps, à Bruxelles, donc. J'étais là, ouais, on peut dire. Je devais aller au boulot, comme ça. Ouais, pas de problème, comme d'habitude, et donc je prends le métro. Puis le métro s'arrête, puis d'un coup j'entends boum, presque comme une vitre, enfin boum, mais j'avais un truc sur les oreilles, donc j'ai pas été assourdi. Et voilà, plus de lumière, plus rien. On est en noir. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment on est sorti. Je suis sorti de cela. Comme d'habitude, je lâchais des blagues. Je voyais les gens un peu hagards, comme ça, je lâchais des blagues. Je n'ai pas lâché des blagues. Je ne me rappelle plus des blagues que j'ai lâchées, parce que des fois, on ne sait même plus. Et on avance pendant plusieurs moments dans le gravier. On ne sait pas par où on est sorti parce que tout était bouché, tout était vraiment fermé. Et il y avait de la fumée, etc. J'entendais des cris au loin, mais c'était pas des cris de peur, c'était des cris de douleur. Parce que des cris de peur, c'est plus tard. Et voilà. On marche. Puis. Je ne sais pas, on a dû faire un tour, on ne sait même pas où on allait, mais tout le monde suivait. Il y a quand même beaucoup de personnes qui touchaient. Et donc, je riais, jusqu'au moment, bien sûr, où j'ai vu une jambe. Et ça a été un peu. Là, j'ai plus vraiment ri, et je voulais vraiment sortir direct. Là où je me suis rendu compte, voilà, que. Hein, on croit un peu mieux parce qu'on va faire rire les autres, mais il y avait un moment où c'était clac. Et alors, on est sorti. Il y a aussi d'autres choses, mais je n'ai pas raconté. Bon, voilà. Je ne voulais même pas voir. À la fin, c'était comme ça. Hein. Et alors, on sort. Et le fort là-dedans, c'est aussi le visage des personnes qui attendaient peut-être leurs proches, là. Ça, c'est ça qui me marque encore très fort, plus que les gens qui étaient avec moi. J'ai besoin d'une moi, on est un peu comme ça, on est dedans. Donc, il y a une sorte de communion qui se fait quand on est dans un truc aussi fort. Il y a une sorte de communion. Mais ceux qui étaient dehors, qui ne savaient pas ce qui se passait, ils avaient beaucoup plus peur. J'ai montré quelqu'un, mon fils, ou faire un truc comme ça. Voilà. Mais ça, c'est revenu après. Hein. Sur le moment... Non, j'ai simplement eu une sorte de dégoût, l'horreur de partir, voilà. Et il y a eu ça, et c'est pas terminé parce que, ça c'est peut-être un bond dans l'enseignement, que tout de suite après j'ai repris un bus pour aller travailler. J'ai quand même pris un bus, voilà, parce que au moins j'avais des copains, là, etc., bon, c'est, comme c'est sympa. Et en prenant son bus, il y avait quand même un peu... Je savais qu'il m'amenait, mais un kilomètre plus loin. Je rentre dedans. Il fait deux arrêts, très simple. Puis tout d'un coup, il y avait quelques personnes quand même de la compagnie de la STIP, c'est le transport en commun, qui était à l'intérieur. Mais celui qui est rentré en furie, est rentré une sorte de sécurité, de contrôleur, qui commence à crier devant tout le monde, plus personne ne rentre et plus personne ne sort de ce bus. Les gens étaient relativement calmes au début. À ce moment-là, ça a stressé tout le monde. Mais vraiment, très très fort. Et là, j'ai ressenti aussi une peur que je n'avais pas ressentie au moment où on était vraiment dans le creux, où il fallait faire. Et ça a fait peur tout le monde. Bon, voilà. Et il a dit, on roule à vitesse jusqu'au terminus. Le terminus, c'était loin, c'était à 5 km du jeu de la tête. À force d'un petit peu parlementer, et il y avait une autre personne à côté de moi, enfin d'autres personnes, etc. Il y a beaucoup de personnes, justement parce que c'est ça, qui allaient du côté de ce fameux Molenbeek, qui est Molenbeek, hein, que tout le monde dit. Je trouve ça scandaleux de dire ça, parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, c'est la politique. Et dedans, même une personne, un accompagnateur, qui était quand même dedans, un accompagnateur, qui était aussi un Marocain, sûrement, je ne sais pas. Lui était beaucoup plus calme, parce que j'ai pu discuter avec lui, etc., pour dire pour calmer un peu ce contrôleur blanc qui avait tellement peur. Et pour essayer d'apaiser les choses. On était triste, mais apaisé, voilà. Bah, pour finir, quand même, il s'est arrêté à un endroit deux, trois arrêts plus longs, je devais m'arrêter. Parce que c'était terminé, c'était fait le terminus avant, dans un grand endroit. Bon, mais c'est pour dire que c'est beaucoup de bruit pour rien. À l'intérieur de ce bus, alors qu'à l'extérieur, où il y avait vraiment quelque chose de grave qui se passait, eh bien, il y avait une atmosphère beaucoup plus concentrée, je dirais. Voilà, beaucoup plus concentrée. Beaucoup plus, voilà, il se passe quelque chose, on essaie de trouver quelque chose par rapport à ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Sinon... C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de personnes, on voit très mal les autres personnes d'autres communautés, même s'ils n'ont rien fait, parce que le 9-10e, évidemment, même plus que le 9-10e, n'ont rien à voir là-dedans. Et quand on sait aussi que ceux qui font les attentats ne connaissent rien non plus à leur religion, ou très peu, vraiment rien, rien, qui se sont été souvent forgés en prison, qui ont été des dealers, bon, et en plus... On oublie aussi qu'ils se sont suicidés eux-mêmes. C'est très important. Ils se sont suicidés eux-mêmes. Et c'est ça qui est le plus grand drame. Voilà. Ça, c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Mais moi, quand je vois une dame... Quand on voit des dames voilées aussi, voilà, c'est ça aussi. Hein, on se demande, ça y est, on voit une terroriste derrière. Mais c'est complètement ridicule. Ridicule parce que... Je me suis rendu compte, parce que ça aussi, ça venait de temps en temps dans l'esprit, mais bien vite, grâce peut-être, c'est ça, peut-être une sorte de petite vision profonde, ça a coupé, parce que j'ai vu aussi une de ces dames-là, voilée, qui souriait très bien, parce que des fois, elles ne souriaient pas parce qu'elles ont un peu peur, mais une qui souriait vraiment très bien. Et je commençais un petit peu la conversation, on commence la conversation, tout va très très bien, aucun problème. Mais quand d'autres personnes qui ne sont pas voilées, qui ne sourient pas, on n'a pas nécessairement, on ne va pas dire que c'est un terroriste. C'est ça. On a une autre vision. Mais non, si quelqu'un ne sourit pas, il a son propre problème. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un de dangereux. Et on ne sourit pas parce qu'on est triste. On ne sourit pas parce qu'on est en colère. On ne sourit pas parce qu'on n'a pas envie de sourire. Bon, mais tout de suite, on fait des... On dit des petites choses dessus, enfin des perceptions, c'est ce qu'on appelle des perceptions erronées. Voilà. Sinon, je suis ramé pour être un peu plus optimiste, mais la méditation, enfin, pour moi, ça peut devenir aussi ça peut être une drogue aussi, la méditation, comme autre chose. Et pour ça que j'adore, c'est la mal comprise. Mais tout on a parlé tout à l'heure de bien reconnaître et prendre la distance, laisser les choses se dérouler. Mais la drogue. Oui. Oui, surtout. Mais dans Thaï, ce qui est bien, dans l'enseignement de Thaï, ce qui est bien, c'est que la méditation formelle, comme on l'a fait, ne prend pas la place principale. Tout est méditation. Depuis boire le thé, où j'essaye, que tu nous as offert, depuis marcher, voilà. C'est ça qui est bien. Et il n'y a pas de différence entre les deux. Rien ne prend le pas sur l'autre. Voilà, ainsi, un équilibre peut être maintenu et on ne va pas être addictif directement à la méditation parce que ça va, on croit que ça va me sauver, ça va sauver. Non, la méditation, c'est aussi dans la vie courante. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai dit des trucs intéressants. L'important, c'est le témoignage. Sinon, il y a encore de grands bodhisattvas qui vont être après moi. Merci. Merci. Je suis le grand bodhisattva. La grande, pardon. Ça m'a troublée. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais être brève. Sur la vraie nature, pourquoi c'est si dur de s'en rapprocher. Ce qui a été dit avant m'a fait penser à ce que Thaï nous dit sur le grand obstacle au bonheur. Donc on pourrait dire le grand obstacle à sa vraie nature aussi. C'est l'idée qu'on s'en fait. Donc il dit ça, il dit le grand obstacle au bonheur, c'est l'idée qu'on s'en fait. Ce qui fait que du coup, comme on est toujours dans l'idée qu'on s'en fait, on ne s'aperçoit pas qu'il est là tout de suite maintenant. Et donc on ne profite pas de ce que la vie nous offre à chaque seconde et qui sont des moments de bonheur parce que ça ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait du bonheur. Et donc du coup, on passe à côté. Alors qu'il est là, à portée de main tout le temps. Il suffit d'être conscient que plein de choses autour de nous, à chaque seconde, sont des moments de bonheur. Mais comme on recherche autre chose, parce qu'on a une idée de ce qui est vraiment le bonheur, eh ben, on ne voit pas. On passe à côté. C'est dommage. Mais c'est un peu comme ces arbres qui sont autour. Ils sont là. Et si on les voit, ben, on en profite. Si on ne les voit pas, ils sont quand même là. Mais on n'en profite pas, quoi. Donc pourquoi on est éloigné de notre vraie nature, souvent, moi je pense que c'est parce qu'on ne la voit pas. Mais elle est là. Mais on voudrait atteindre autre chose. Du coup, tac, c'est loupé. Donc en fait, je pense qu'il faut simplifier, quoi. Il faut vraiment simplifier. Alors c'est vrai que dans la pratique, on dit l'éveil. Voilà. Moi j'ai lâché depuis longtemps parce que... Je me dis, si je commence à me faire une idée de l'éveil, je vais passer ma vie à le rechercher, je vais perdre mon temps à ne pas regarder tous ces moments de bonheur qui me sont donnés et je vais perdre ma vie, quoi. Donc j'ai lâché. Voilà. Et sur la question de... J'ai entendu la souffrance aussi concernant les difficultés qu'il peut y avoir dans la sangha. Alors, rassurez-vous, dans toutes les sanghas, il y a des difficultés. Ça relativise déjà. Alors, il y en a des moments où ça va très bien, puis des moments où ça va plus, des moments où ça va très bien, des moments où ça va plus. C'est la vie, quoi. C'est vivant, les sanghas. C'est une bonne nouvelle. Et dans la vie, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Bon. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une souffrance plus plus importante à des moments donnés et que c'est important d'en prendre soin. Et moi, ça me ramène à la perception du conflit que j'ai dans ma vie. C'est que moi, j'ai beaucoup regardé le conflit parce que je viens d'une famille où il n'y a pas de conflit. Mais il y a beaucoup de violence, paradoxalement. Parce que la violence, elle vient des non-dits. Elle vient du fait qu'il n'y a pas de conflit, justement, bizarrement. Et ce que je fais comme différence entre violence et conflit, c'est que dans la violence, il y a la rupture du lien. C'est-à-dire que tu ne penses pas comme moi, tu ne vois pas les choses comme moi, tu ne fais pas comme moi, donc on ne peut pas vivre ensemble et tu ne peux pas exister. C'est des attentats. C'est vraiment... voilà, on coupe le lien. Il y a une rupture du lien dans la violence. Alors que le conflit, ben, on est... tu ne penses pas comme moi, tu n'as pas les mêmes besoins, tu ne dis pas les mêmes choses que moi, tu n'es pas d'accord avec moi. Ce n'est pas du tout, du tout agréable à vivre. On n'a pas les mêmes perceptions, comme disait Pépineau. C'est même insupportable à vivre, mais je reste en lien. Je garde le lien, je ne lâche pas, je reste là, quoi. Je peux m'éloigner si j'ai besoin de prendre un peu de distance parce que c'est trop dur pour moi, mais je reste en lien. Parce que de toute façon, l'intérêt est là, quoi qu'on veuille. On ne peut pas faire autrement, quoi. Mais on peut avoir besoin de prendre un peu de distance pour se régénérer, pour prendre soin de soi, puis revenir, se remettre en lien, se réinterroger aussi, se questionner sur ses modes de fonctionnement. Donc on peut être la vague qui s'éloigne un peu, mais qui est toujours dans l'océan, comme les oreillers là, qui est toujours l'océan. Et en même temps, on peut aussi essayer de créer les conditions pour se parler, pour se comprendre, pour pouvoir soulever ce voile, des modes de fonctionnement, pour aller voir c'est quoi qui intéresse profondément entre nous, c'est quoi nos souffrances à chacun, c'est pas seulement d'un côté les souffrances, hein. Il y en a toujours des deux côtés minimum, hein. Il n'y a pas que d'un côté. Et le conflit, donc c'est ça le conflit, le dialogue, moi j'appelle ça le dialogue conflictuel, le dialogue conflictuel. On n'est pas OK. On n'arrive même pas à trouver de solution. C'est terrible de ne pas trouver de solution. Et en même temps, moi, j'ai appris en regardant le conflit très en profondeur que c'est aussi parce qu'on veut un résultat qu'on souffre. Parce que parfois, c'est aussi ce chemin. C'est un peu comme le but et le chemin. Vous savez, Thaï nous dit le but, c'est le chemin. Et bien, dans le conflit aussi... le but, c'est le chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en œuvre entre nous? Qu'est-ce qu'on vit chacun dans un conflit? Comment on vit ce conflit? Qu'est-ce que ça réveille en chacun d'entre nous comme émotion? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on gère ça en soi? Comment on gère ça dans la relation à deux? Comment on gère ça dans la relation collective? Et puis, on n'arrive pas. Ah bon, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas? Donc, le conflit, c'est une opportunité. Non pas à rechercher, hein, mais c'est une opportunité pour aller questionner la manière dont on voit le monde, dont chacun de nous voit le monde. Et qu'est-ce qui fait que dans l'interaction, cette façon de voir le monde se confronte, se bloque, se tape contre l'autre, quoi. Il n'y en a pas un des deux qui a raison. Il n'y en a aucun des deux. Ou aucun des trois, ou aucun des quatre. C'est chacun qui a des torts, chacun qui a besoin d'aller re-questionner ce qui se passe à l'intérieur de lui et qu'il n'arrive pas à entendre chez l'autre, et ce qu'il n'arrive pas à entendre chez lui. Et c'est parfois très difficile. Et je fais un lien avec le pardon. Le pardon, pour moi, c'est le résultat de pouvoir regarder l'autre tel qu'il est et qu'on ne souffre plus. C'est pas de la tarte. Hein. Moi, j'ai quitté une relation il y a maintenant 5 ans. Oui, 5 ans. Et j'ai toujours pas pardonné. Et je me suis toujours pas pardonné. Et j'ai toujours pas pardonné. Et je cherche, je creuse, je regarde. Mais qu'est-ce qui est si difficile dans cette histoire? Et ça vient de très, très, très loin. Et ça n'a rien à voir avec la personne. Ça a vraiment à voir avec moi. Et avec le don qu'a l'autre d'arroser les mauvaises graines. L'autre, il sait très bien aller toucher à l'endroit où ça fait mal. Donc dans ces cas-là, il faut s'extraire. Je me souviens, quand j'ai quitté cette relation, je suis allée voir Mintri, ma marraine dans le Dharma. Et je lui ai dit, Mintri, je souffre et j'ai besoin de toi. Et elle m'a dit, et mais encore, je lui ai dit, voilà, je me sépare de cette personne et je veux vraiment arrêter cette relation, c'est trop toxique pour moi. Et elle m'a dit, mais tu veux quoi? Je lui ai dit, je veux plus souffrir et je veux plus être en relation avec cette personne, c'est plus possible pour moi. Elle m'a dit, alors, il faut que tu cesses toute relation avec cette personne. Oh, je lui ai dit, mais c'est pas la pratique, ça. Elle m'a dit, si. Même les grands moines, des fois, ils doivent faire ça aussi, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils sont à leur limite. Et donc, j'ai fait ça. Et ça m'a permis, justement, de vraiment revenir à moi et de ne pas être tout le temps dans l'interaction qui fait que l'autre est responsable de l'autre fait ceci, l'autre fait cela, l'autre arrose chez moi ou n'arrose pas. Et donc, ça m'a permis vraiment de revenir à ma souffrance à moi, quoi, mes blessures à moi. Et ça peut prendre du temps. Et c'est OK. C'est OK que ça prenne du temps. C'est comme ça. C'est aussi les limites que moi j'ai, qu'on a chacun et chacune. Et quant à l'émotion, non, c'est pas de l'émotion dont je vais parler, parce qu'on en a déjà parlé. Je voulais parler de cette question du regard qu'on porte sur l'autre, parce qu'il est porteur d'une image. Par rapport aux attentats et aux musulmans, et il y a Frère Fapleyeux dans la retraite francophone qui a donné un enseignement et qui disait il faut qu'on crée des îlots de dialogue. Alors, j'ai beaucoup aimé cette image, des îlots de dialogue, c'est génial. Donc créer des îlots de dialogue. Et moi, mon grand rêve, c'est de faire des îlots de dialogue interculturels avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes. Et que chacun puisse parler de ses difficultés et de ses souffrances, parce qu'il y a énormément de souffrances. J'échange avec des amis musulmans et qui me disent à quel point ils souffrent de ce qui se passe en ce moment. Ils souffrent et ils ont peur. Ils ont très peur. Des regards qu'on pose sur eux, de la crainte qu'il y ait une sorte de révolution qui s'amorce, quoi, qui se retourne contre eux. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très très vigilant, chacun avec ce qu'on ressent vis-à-vis des musulmans ou des juifs ou des bouddhistes ou des chrétiens. Moi j'ai une histoire très profonde avec ça, avec une famille qui est pied noir. Donc je vois la douleur qu'il y a derrière ces histoires de famille, et combien il y a du racisme, il y a de la haine, c'est une sorte d'amour-haine, et qui n'est pas du tout soignée. Moi je soigne toute la famille, je fais ce que je peux, parce qu'en fait je vois qu'à l'intérieur de moi, il y a encore des zones, c'est ambivalent, quoi. Mais je les regarde, parce que oui, il y a de l'ambivalence, et c'est autorisé d'être ambivalent. Ce qui est moins OK, c'est de se dire « Non, moi, je suis pratiquante, je ne suis pas ambivalente. » Alors qu'en fait, si, je le suis. Il y a des moments... Le fils d'une amie qui est musulmane et son mari est chrétien épouse une fille voilée, ben, ça ne me laisse pas indifférente, quoi. Je n'ai pas d'animosité, mais ça ne me laisse pas indifférente. C'est pas « Ah ouais, c'est super !» Je dis « Waouh, ça va être quelque chose dans la famille, quoi. Comment ils vont vivre ça ?» Voilà, et je regarde ça, et c'est OK de regarder ça. Et j'en parle avec elle, j'en parle avec son mari. Voilà. Et donc je pense qu'avec les jeunes, il faut leur permettre d'aller voir ça en eux, quoi, d'aller reconnaître les graines qui sont arrosées, et de les détendre ces graines pour vraiment arriver à... Je reconnais ce qui se passe à l'intérieur de moi, je reviens à ma respiration, je berce, et je détends ces émotions, quoi. Après, il y a plein de techniques où on peut aller crier derrière un bus, ou je sais pas, pour faire sortir l'émotion. C'est pas ce qui est proposé au village, mais il y en a plein d'autres de techniques qu'on peut utiliser. Mais avec les jeunes, je pense que c'est important de leur permettre d'aller toucher ça, quoi, et de le dire, et de se dire des choses, quoi. Voilà. Allô, Olivier ? Je suis là. On ne lui a pas répondu encore. Pour créer un groupe d'études des 14 entraînements, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un membre de l'inter-être. Il faut quelques personnes, ou même deux. Quelques personnes, un local, et de quoi s'asseoir. C'est tout ? C'est tout. C'est bien d'avoir les 14 entraînements sous la main. Et après, il faut beaucoup de patience. Et juste partager donc sur les entraînements, les uns après les autres, point par point, ou moins point par point. Et c'est tout, quoi. Il faut trouver des volontaires, bien sûr. Ils sont là. Ah ben, c'est parfait. Donc tu as les membres de l'intérêt, tu as les volontaires, il y a un endroit pour se réunir, et tu as les 14 entraînements, sous la main. Ouais, super. Il ne te manque plus que la tasse de thé. Je souris parce que moi, je ne les ai jamais étudiés. Je ne devrais pas le dire parce que les autres ont fait beaucoup d'efforts et moi non. On m'a dit, Jean-Pierre, t'es le seul à ne pas être en marron. Je dis, ah ben oui. Et le lendemain, j'avais une veste marron. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je n'ai pas eu besoin de tout ce bazar. Voilà, peut-être après, Corinne te dira un peu plus. Parce qu'elle, elle est passée par là, elle fait des trucs comme ça, en douce. Elle va te le dire tout de suite. Je vais aussi enlever quelques illusions. En fait, moi, j'ai participé au premier groupe. Attention. Premier groupe des études des 14 entraînements. Et en fait, ça avait été proposé par Philippe Giminel et Claire Larocque, il faut reconnaître ceux qui lancent des initiatives, et qui avaient dit, on aimerait bien étudier les 14 entraînements parce que c'est vraiment intéressant, mais surtout, surtout, qu'on ne nous demande pas de les prendre. Et donc, Mintry s'est dévoué, il y avait aussi à l'époque Eliane Régis et aussi, je ne sais plus comment il s'appelle... Plus, on ne voit plus beaucoup, je ne sais plus son nom, qui était là. Et donc, on a étudié pendant 2-3 ans les 14 entraînements avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de pleurs aussi. Et l'idée, c'était vraiment de faire le lien entre ces entraînements et notre pratique de vie, quoi. C'est-à-dire, c'est voilà, en quoi cet entraînement, il parle à ma vie, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, ce qui est facile, ce qui est difficile. C'est ça, l'étude des 14 entraînements. Donc c'est un partage, en fait. Et avec des éclairages, si éclairage il y a. Parce que les vents n'est pas très éclairé. Hein. Et dans ce... Alors, juste pour aller jusqu'au bout de l'histoire, donc en cours de route, il y a Philippe qui dit « Oh, ça m'est venu que j'aimerais bien les recevoir, mais pas tout seul. Avec tout le monde. » Et alors là, a commencé un long chemin... de conflictuel, non pas au sein du groupe, mais pour chacun qui était, il y avait les rebelles de service sur non, il n'en est pas question, et puis des autres, oui, peut-être, ou bien ah, ben oui, c'est une bonne idée. Et là, on a continué à cheminer non seulement sur les entraînements, mais sur notre rapport à recevoir les 14 entraînements. Ça voulait dire quoi? Mais parce que c'était venu du groupe, c'était pas un processus établi. Et puis finalement, on est arrivé à la fin d'un processus où on avait tous envie et on les a reçus tous en même temps et c'était très joyeux. Après, on est allé acheter des vestes, alors là, on s'est marrés comme des fous. On était dans les cabines d'essayage avec les petites sœurs, il y avait les grandes, les petites, voilà, c'était joyeux. Et c'est vrai que le fait de les recevoir en collectif, il y a quelque chose qui crée un lien de fraternité entre ceux qui sont là et avec ceux qui appartiennent évidemment à l'ordre de l'intérêt, mais ça crée un lien particulier et c'est joyeux et c'est chouette. Voilà. Et puis il y a la grenouille. Non, je ne parle pas du renouveau. J'avais parlé de pardon. Réveillez-vous. Vous savez, la plupart des enseignements, autrefois, j'ai dormi tout le temps. Donc, c'est normal. On s'endort un peu. Et quand quelqu'un nous a fait souffrir ou nous fait souffrir, alors il ne faut pas seulement s'arrêter à cette souffrance. Il ne faut pas simplement dire « Est-ce que je pardonne ?» ou « Je ne pardonne pas ?» Ça, c'est peut-être qu'une idée. Il faut essayer de voir en profondeur pourquoi on nous fait souffrir. Il faut essayer de voir que la personne qui nous apporte la souffrance a elle aussi des souffrances, des faiblesses. Que c'est-à-dire que cette souffrance qu'on reçoit ne vient pas, paf, ça vient de cette personne-là. Voilà. C'est de sa faute à elle. Mais si on ne voit pas cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a reçu avant ? Quand quelque chose se passe, cela ne n'est pas de rien. Et quand ça disparaît, ça disparaît, quoi. Tout simplement. C'est pas tout à fait ça. Faut essayer de voir un peu l'enchaînement. Mais peut-être la première chose à regarder de la personne qui nous a fait souffrir, c'est de voir ses propres blessures à elle, de voir ses propres faiblesses. Mais si on reste que dans ce regard-là, c'est pas tout à fait juste. Comme Thay nous a enseigné, si vous acceptez qu'il y a la droite, vous devez accepter qu'il y a la gauche. Si vous acceptez, vous pensez que cette personne est mauvaise et vous a fait du mal, vous devez accepter qu'elle a aussi des choses positives. Et elle en a, c'est sûr. Donc c'est un travail sur soi-même. Alors le plus rapide, évidemment, c'est d'éliminer la personne. Mais ça n'éliminera pas la souffrance. Ça c'est sûr. C'est certain. J'ai déjà eu cette idée-là. Éliminer la personne. Voilà. Liquider. Et après, j'ai essayé, et après, j'ai souffert encore plus. Donc, j'ai dit, c'est pas ça la solution. On va reprendre la personne, et on va ressouffrir ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y a de bien dedans. En gros, c'est ça. Et quand on a tout compris, et qu'on voit vraiment les qualités de cette personne-là, alors on commence à l'aimer, vraiment. Et là, il n'est plus question de dire « je te pardonne, je ne te pardonne pas ». Ça n'entre plus en jeu. Il y a un autre truc que je n'ai pas dit. C'est qu'il faut essayer aussi de voir en nous-mêmes qu'est-ce que nous, on a fait vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas créé des choses qui la font souffrir ? Ça, c'est possible. Qu'est-ce que nous on a fait vis-à-vis de cette personne-là pour lui apporter de la joie, par exemple. Et ça c'est un exemple entre adultes, mais il y a aussi l'exemple, c'est mon cas, quand on est enfant et qu'on reçoit de la violence tous les jours. Ça peut être ses parents, ou dans mon cas, ce n'était pas mes parents. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas du tout. Et Des fois, peut-être, on va passer toute sa vie et on ne comprendra pas. Alors, soit on arrive un jour à voir, comme j'ai dit, les souffrances de ces gens-là. Mais il y a plus simplement à faire. Comme Thay nous a enseigné, peut-être qu'il ne faut pas chercher trop à remuer l'eau de la mare. Si vous avez une mare d'eau et vous allez remuer avec un bâton, alors ça va être tout trouble. Peut-être qu'il suffit simplement de faire comme Thay l'a enseigné, d'essayer alors de passer les moments présents et de se nourrir que de choses agréables. À chaque fois que la souffrance monte, simplement l'embrasser. Sœur Yakim Elisabeth, elle dit « Bonjour ma petite souffrance ». Mais autrefois, Thay a déjà dit ça avant. « Bonjour ma petite souffrance ». Bonjour ma petite douleur. Il nous a enseigné quelque chose de très important. On peut avoir des douleurs. Et tout le monde en a. Et ça, c'est inévitable. On ne peut pas faire autrement. Mais il a dit, la souffrance qu'on génère et qu'on nourrit d'après ces douleurs-là, cette souffrance-là, elle est, comment on dit, optionnelle, facultative. Cette souffrance-là, on n'est pas obligé de la nourrir. Elle va monter, c'est sûr, mais on n'est pas obligé de la nourrir. On peut la nourrir uniquement avec des choses positives, agréables. Tout simplement, la première pratique dans la méditation, c'est « Ma souffrance est là et je ne veux pas la nourrir, je ne veux pas en souffrir. Je veux juste l'inviter dans mon salon. Et je vais préparer un thé. Et je vais boire mon thé. Tranquillement. » Si on fait ça à chaque fois, alors peu à peu, cette souffrance va diminuer. Et de toute façon, immédiatement, normalement, elle peut redescendre. C'est une pratique pour laquelle il faut s'entraîner. Un jour, Thay m'a dit, un jour, en 2013, il voulait que je boive un thé. Et moi, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Et après, il me l'a dit d'abord en vietnamien. Comme il y a, je veux dire, elle va comprendre tout de suite. Om cha cha veng om. Boire un thé pour se retrouver. En vietnamien, boire un thé pour revenir à la source, à nous-mêmes. C'est-à-dire, on va lâcher tout ce qui monte, qui est lourd chez nous, on va essayer de le lâcher un moment, quelques secondes. Vraiment le lâcher. Si on se promène dans le jardin et qu'on se promène avec sa souffrance, c'est pas correct. Dans ce cas-là, on ne peut pas la transformer. Mais si on se promène dans le jardin et ma souffrance, elle est là, oui, je le sais, certes. Mais je vais me promener dans le jardin et je vais apprécier la beauté du jardin, la fraîcheur de l'herbe. Je vais apprécier, en venant de la ville, je vais apprécier l'air frais ici. En partant de chez moi, j'ai une certaine joie d'aller à la campagne. Parce que je sais que je vais respirer de l'air meilleur. Et quand je suis là et que je respire l'air, alors j'ai du bonheur, parce que je peux vraiment le faire. Il faut nourrir un présent pour que ce présent soit heureux, afin d'avoir un passé heureux. Et en même temps, notre passé, notre enfance, si elle a été douloureuse, terrible, on a peut-être été battu, on a peut-être subi des violences psychologiques, des violences de toutes sortes, pas faire le détail. Alors, on peut utiliser ça aussi. Simplement, si on arrive à se poser, à regarder bien en profondeur tout ça, et de voir que ça ne vient pas juste de là. En fait, il y a une nourriture, il y a quelque chose qui a nourri tout ça avant. Il y a tout un enchaînement. Et on n'est pas là, c'est définitif, paf, ça tombe sur nous et ça reste sur nous. Il faut faire attention, parce qu'en plus, ce genre de violence, de souffrance, on peut le transmettre. Donc il faut être celui ou celle qui va mettre un terme, qui va pratiquer l'arrêt. Moi, je m'en suis pas rendu compte assez tôt. J'ai été pris dans un truc très fort et j'ai transmis de la violence. Et parfois, j'en ai des regrets. Mais je ne me laisse pas emporter non plus par les regrets. Je vais juste... Je travaille. Je travaille maintenant. Juste maintenant. Pour construire quelque chose de plus paisible. La violence, ça se transmet très facilement à ses enfants, à son... conjoint, conjointe, ça se transmet à n'importe qui, dans la communauté. On a dit que les pratiquants de la méditation sont des héros. Donc, si vous pratiquez la méditation, vous êtes tous des héros et des héroïnes. Il n'y a pas de zen, hein, héroïne. Héroïne. Ça n'a rien à voir avec la drogue. Donc Thaï nous a conseillé, par la pratique, juste maintenant, on va se nourrir de belles choses, voir seulement le côté beau des choses, sans ignorer les difficultés, sans ignorer les souffrances. En faisant ça un petit peu tous les jours, on va générer une énergie d'habitude. Et il a dit, c'est pas mauvais, parce que cette énergie-là va chasser l'autre. L'énergie d'habitude qui est celle de souffrir. On va la chasser par une énergie d'habitude qui est celle de pouvoir marcher en captant quelque chose qui va me rendre paisible, pouvoir boire un thé tout seul ou avec un ami, paisiblement. On sait qu'il y a les souffrances, on le sait bien, mais on ne va pas leur donner beaucoup d'importance. On va donner beaucoup d'importance à ce qui n'est pas la souffrance. Sinon, alors c'est pas facile, quoi. Peut-être je vous dis un poème. Et après, c'est fini pour moi. Assis près de toi. Je reste là, paisible et serein. Nous nous sommes déjà rencontrés. il y a des millions de vies. La rivière du printemps s'écoule sans cesse. C'est l'impermanence. Les rétributions vont et viennent, tels les nuages, dans le ciel du samsara. C'est le karma. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et il y a des choses qu'on peut changer. Juste en dessous du chemin, quelques fleurs sauvages m'invitent à la liberté. On marche sur un chemin, mais quelques fleurs sauvages qui ne sont pas sur le chemin peuvent nous libérer. J'étais touchée par la question de l'identification avec l'émotion. Avant de connaître la pratique de Thaï, chaque fois que j'ai senti quelque chose, je les prenais pour des vrais. Si je les sens, c'est parce que c'est vrai. Parce que j'appris comme ça. Donc, chez moi, par exemple, j'ai dans la famille, de côté de ma maman, beaucoup de colère. Et donc, elle exprimait sa colère. Quand elle était très colérique, elle cassait les assiettes. Et c'était normal. Et donc, j'ai appris que quand on est avec une submersion d'émotions, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose. Et donc, elle cassait les assiettes. À tel point que mon tracas, c'était « Waouh, comment est-ce qu'on va manger demain ?» Parce qu'il n'y a plus d'assiettes. Mais c'était surtout cette vérité qui s'installait. Donc, si je pense comme ça, c'est parce que c'est vrai. Si je sens ça, c'est vrai. Et donc, j'ai développé beaucoup de... beaucoup d'arrogance. Beaucoup de discrimination. Et fatalement, beaucoup de conflits. Parce que, puisque j'ai pensé comme ça, c'est vrai, alors les autres, c'est pas OK. Et c'est vraiment... Et cette chose-là, ça restait très présente, quoi. Et c'était avec la rencontre avec Thaï qui m'a... Il y avait une phrase qui m'a fort marquée, c'était « Es-tu sûr ? Es-tu sûr ?» Et puis, avec tous les enseignements dans lesquels il disait « Nous ne sommes pas notre émotion, nous ne sommes pas notre pensée, nous ne sommes pas... » Donc, la question de la vraie nature. Et pour moi, ma vraie nature, c'était celle-là. Parce que je pense, parce que je sens, et parce que... Voilà. Et donc, il fallait faire beaucoup de révolutions pour pouvoir... transformer tout ça. Et j'ai trouvé que c'était une tâche qui était extrêmement impossible. C'est impossible. Tout comme les 5 entraînements. C'est impossible, ce truc-là. C'est très beau, c'est impossible. Et puis après, j'ai lu un livre de Thaï, c'est Changer l'avenir. Donc, ce livre-là, donc Thaï donne sa vision profonde de ces 5 entraînements. Et qui lui-même disait, je ne sais pas comment pratiquer ces 5 entraînements. C'est vous qui le pratiquez, puisque ça fait référence à la vie moderne. Et c'est vous qui m'apprenez aussi comment pratiquer ça. Et donc, enfin, progressivement, je commençais à enlever un petit peu cette pression que je me mettais. Donc, il fallait, comme les Japonais, hein, très comme ça, très obéissant, il faut faire. Hein. Et heureusement, il y avait un côté brésilien en moi qui lâche un peu tout ça. Et en composant avec les deux, en étant déterminé et assidu, il y avait un côté qui venait, allez, lâche un peu, quoi. Et donc, et tout ça, c'est, j'ai trouvé donc, dans Taille, ces deux choses-là. Et donc, voilà, donc c'est avec, avec cette pratique de pouvoir lâcher prise et aussi cultiver quelque chose que j'ai entendu dernièrement, c'est la patience. Parce que j'ai une tendance à vouloir faire les choses très très vite et donc vouloir les résultats tout de suite. J'expliquais à quelques amis que j'ai une tendance à planter des semences comme ça, je mets tout de suite à la terre et j'ai envie qu'elle pousse, quoi. Hein, donc, voilà, donc, et j'ai entendu dans l'enseignement de Thaï, la semaine passée, il y a deux semaines, que la patience a à voir quelque chose avec le cœur. Un cœur qui est grand, c'est quelque chose qui nous aide. Donc, quand on cultive la patience, pour cultiver la patience, il faut ouvrir notre cœur. Et quand le cœur est petit, eh bien, on cultive plutôt l'impatience. Et pour ouvrir le cœur, il faut comprendre. Et donc, je me dis, waouh, ça c'est la première fois que j'entendais sous cet angle-là. Et je me disais qu'effectivement, c'est comprendre. Si je ne comprends pas, c'est que ce qui se passe là, voilà, je ferme mon cœur et donc je n'ai pas la patience. Et surtout dans les relations avec les gens. Et donc, et c'est pour ça que pour moi, les 5 entraînements, le début de la phrase, conscient de la souffrance provoquée par. Donc je me dis, il faut que je sois consciente que quand je parle comme ça, je provoque de la souffrance ou que je provoque ceci. Et donc, voilà, donc c'est vraiment, pour moi, c'est revenir dans... Prends soin de moi au moment où j'ai vu des émotions très fortes, ça devient plus important que donner raison à mon esprit. Elle a dit c'est ça, il a fait c'est ça, oh, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. C'est de vraiment occuper d'abord de ma maison et alors, comme Jean-Pierre disait, mais en même temps il y avait une image que j'ai beaucoup, chaque fois je reviens. Comme Thaï disait, quand on est pris par des émotions fortes, surtout la colère, la rage et tout ça, c'est une maison qui brûle. Voilà. Et donc, plutôt qu'être un pompier qui va chercher qui a bouté les feux, je dois être le pompier qui va éteindre ces feux. Donc, prends soin de ça d'abord. Et puis, et autre chose que j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup apprécié lors d'une retraite à l'EIAB en Allemagne, c'était le moine qui nous disait de bien donc aussi revenir peut-être à nos pieds. Et alors il nous disait quelque chose comme ça, comment vont-ils mes pieds maintenant? Et de faire cet exercice-là, de sortir voilà, de notre sphère mentale, de ce qui alimente les ruminations, les cogitations, et revenir sur les pieds. Et ça m'a beaucoup amusée, parce que depuis lors, chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui va être là, plutôt que d'être complètement emporté, comme ma mère a appris à faire, et puis après elle cassait toutes les assiettes, des choses comme ça, eh bien, c'est « Ah, comment vont-ils mes pieds ?» Et alors, vraiment, comment vont-ils les petits pieds, là et voilà, donc ce sont des petites choses comme ça qui me font petit à petit. Voilà, donc, oui, donc, voilà, c'est petit à petit, quoi, c'est... à dose homéopathique, disons comme ça. Là, pour moi, la pratique, c'est quelque chose qui est à dose homéopathique. On ne peut pas ne peut pas changer comme ça tout. Et puisque je médite maintenant, je suis capable de parler correctement avec quelqu'un, je suis capable d'écouter. Et tout ça, c'était des illusions que j'ai créées quand il y avait des conflits dans la sangha. Mais nous sommes des pratiquants, comment ça se fait qu'on parle comme ça et tout ça? Et voilà, c'était toutes des illusions. Et que finalement, je pense que tout le monde essaie de faire les choses petit à petit, comme moi, quoi.